le fait de se cramponner au livre d'Allah, le sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a parmi les profits le fait que ce sera une issue, une voie de sauvetage concernant les discordes, les tentations, les problèmes. Car comme vous le savez, cette dunya, cette vie mondaine est remplie d'épreuves, remplie de problèmes plus ou moins graves. Ta'asifu bil insan, c'est-à-dire que ça se transforme en tempête. Et ce sont des choses qui sont difficilement gérables. Comme il est venu dans le hadith, la personne au matin elle est croyante et au soir elle est mécréante. Ou le matin elle est mécréante et le soir elle est croyante. Ce qui montre la rapidité, c'est-à-dire que la personne elle change d'état, elle change de situation d'une manière très rapide. Quelle est la voie de sauvetage? Quel est le chemin à entreprendre pour être sauvé de ces problèmes, de ces épreuves, de cette situation qui peut être difficile et embarrassante et problématique? C'est le fait de se cramponner au livre d'Allah, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Conformément à ce qu'Allah a dit dans surat Ali Imran, la surat 3, le verset 103, le sens est cramponnez-vous tous ensemble au habl, câble d'Allah, ne soyez pas divisés. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis, c'est lui qui réconcilia vos cœurs. Puis par son bienfait, vous êtes devenus frères. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous en a sauvés jusqu'à la fin du verset. Revenir au Coran, les différents versets qui sont rapportés, qui sont cités dans le Coran, également le hikam, les différentes sagesses qui sont contenues dans le Coran, l'amthal, c'est-à-dire les paraboles et les exemples qui sont cités dans le Coran, et l'ahkam, les différentes lois et les différents jugements et verdicts qui sont cités dans le Coran. Et pour la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, agir de la même manière. Et à travers cela, à travers ces deux sources infaillibles, revenir à la compréhension et aux paroles des savants, s'attacher aux paroles de ceux qui sont enracinés dans leur savoir, dans leur connaissance. Car chez les savants, il y a le Coran et la sunna sur la compréhension et la voie des pieux prédécesseurs. Et donc, on va s'arrêter là, inshallah ta'ala, et on reprendra après la prière du Asr. Petite information pour tout le monde. Donc, dès qu'on va se lever de l'estrade, on va monter en haut, on va aller dans la salle de prière. Les enfants, et uniquement les enfants de 5 à 15 ans, ils vont venir à l'endroit où on fait la prière, donc là-haut. Il faudra les laisser seuls, on va rester avec eux. Et le cheikh va leur parler un peu, va leur donner quelques recommandations. Les enfants de 5 à 15 ans, à partir du moment où on va quitter l'estrade, vous les mettez à la salle de prière, vous les asseyez, et le cheikh va leur parler, inshallah, un petit peu, un petit quart d'heure, avant de faire la prière du Asr. Concernant les attestations dont le cheikh a parlé hier, les attestations de présence au séminaire, comme il vous a expliqué hier, pour les personnes qui ont assisté au minimum à la moitié du séminaire, ou plus, il va délivrer des attestations de présence. Donc pour ceux qui veulent récupérer leur attestation, il faudra passer au comptoir du buffet après le dernier dars. Après le dernier dars, vous passez pour récupérer votre attestation pour ceux qui ont assisté. Autre point, hier dans la traduction qu'on avait du support de l'Aqidah de Ibn Abi Zayd al-Qayrawani rahimahullah ta'ala, le frère Abdurrahman Kolo, hafidhahullah ta'ala, a remarqué qu'il y avait sur le terme istawa, donc qu'on a traduit hier tous deux par établissement ou élévation sur le trône, il a été traduit par siéger. Siéger, ce qui est une traduction qui prête à confusion, car on doit se conformer au texte et on doit se limiter aux mots, même si, comme vous le savez, la traduction c'est très difficile car c'est subtil, il faut respecter les termes, déjà en arabe. C'est compliqué, alors en français le retranscrire c'est compliqué. Donc, lorsqu'on a traduit hier par siéger, c'est ce qui était écrit sur le matn, le support, on le remplace par établi ou élevé sur le trône. Et concernant khitam, dans le hadith rapporté par Muslim, où le cheikh a cité l'Allah ashaddu farahan bi tawbati al-abd, vous rappelez hier le hadith sur le fait qu'Allah est plus heureux du repentir de la personne qu'une personne qui a perdu sa chamelle dans le désert, etc. Al-Khitam, on l'avait traduit par bride, et le mot le plus juste, c'est les rênes. Car la bride, c'est l'ijam, l'ijam qu'on met sur le museau d'un animal. Or, la reine, donc, ou les rênes, c'est la corde, si on peut dire ça comme ça, qu'il y a pour tenir donc son cheval ou son chameau. C'était juste deux petites précisions à ce propos. Donc on va monter, inchallah, dans la salle. Laissez bien les enfants seuls, ne restez pas en leur compagnie. Et le cheikh va leur parler, va leur expliquer les petites choses. L'ahva. طيب انا يا اخوه اريد ان اترجم كلام الاخ بشير فهمتم ولا اترجم لكم عندنا جلسه خاصه مع الاطفال ان شاء الله فوق ونرجع لكم باذن الله هذا خلاصه الكلام كله الشيخ معكم الشيخ قليلا دونك رستي ici ان شاء الله va monter avec les enfants et les adultes restez ici C'est bon. Pour les enfants, vous amenez-les devant, ils vont sortir par une autre porte. Et on va les emmener avec nous, Inch'Allah. Donc les enfants, faites-les descendre en bas et on va les emmener avec nous, Inch'Allah. Barakallahu fikoum. Tout de suite, comme ça on ne chamboule pas le programme. Faites-les descendre tout de suite. Parce qu'une fois qu'on part, on ne revient pas. Vraiment, vas-y. C'est bon, c'est bon. Je passe, je fais dans ça. Je suis là.